La délégation du Front de libération du Mozambique, conduite par son secrétaire général Eliseo Joaquim Machava, a visité Mangyongde, pays natal du président Kim Il-sung, le musée de la fondation du parti, l'exposition de l'amitié internationale, le palais des sciences et techniques, etc.